j'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, je fais un perso. C'est une chaussette, j'y fais un pansement. J'ai le boubou, je passe au réseau. C'est bon, pote, si valorisant. Je suis là, j'ai frit sur le 50. 104 vols, tu en 50. Y'a le gérant qui fait ses comptes. Ouais, septembre à septembre. Je suis en feu, je vous rachis le 22. Je te fais confiance, je m'en veux. Prends une ambiance, fais plus à deux. J'ai le boubou, je passe au nord. Je pense à mes soucis, mes remords. Je me fais une queue de poisson, tout est mort. Faire ce que je fais, c'est tout un art. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. Je me lève sous boubou, j'y vais pas plus, mais je m'endors pas. Où c'est le boubou? J'ai pris tout le bout et je suis descend pas. Je sais qu'un bout, ça qui m'aime recherche, je me rends pas. Je suis fou, j'avoue. Le week-end, tu es au studio, moi je sors pas. Moi j'ai l'énergie, j'ai le boubou. Alors je tire de bière et j'oublie tout, tout. Je suis dans l'audi, elle me fait coucou. Elle veut s'approcher, faire le poutou. J'ai tout tes sons, moi j'écoute tout. Y'a que tu te joues là dans l'auto. Ouais, t'es tourné, j'ai la boto. Non, tranquille, mais c'est des dents. J'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'me lève sous boubou. Tu me cambou, espèce de gros dégât. Tu sais tout et tu fais tout.